mes amis ne me reconnaissent plus. Je ne suis plus celui qu'ils ont connu. Le petit bonhomme du collège, plein d'entrain dans le cortège. Ils ont tous bien changé, ils ont tous un travail qui les relie, mais moi, je suis resté hors de ça. J'ai œuvré tête baissée pour quitter les ripailles, et j'ai quitté tout ça, me sentant en plein d'émoi. Certains se sont mariés, d'autres sont partis, d'autres ne donnent plus de nouvelles. C'est comme ça, il faut que je dise, mais j'ai une amie qui m'aime. Je suis comme ça. J'ai deux étoiles plein la tête qui sortent avec ses fuites, devenir reconnu. Oubliez ce qui fut. Ah, mes vieux amis, ceux qui ont bien changé. Mais voyez-vous, c'est ma vie.